La nuit tombe, l'écran s'allume. Ride is kill live, l'ambiance s'allume. Les viewers prêts, tous connectés dans ce stream, le temps suspendu. Pixel danse, foule éveillée, message bat, rythme mêlé, connexion rare qui s'installe. Dans l'ombre douce, tout s'emballe. Chaque message résonne la nuit. Ride is kill guide. J'ai raison, Red Skill trace sa voix sous les projecteurs joie. Vierge souris vibe partagée, souffle chaud, nuit enchantée, chat en feu, lien créé, Red Skill au sommet. Face, sa présence trace. Nous, c'est...